إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Dans le درس précédent, nous avons pris la muqaddima qui amène à démontrer l'objectif de ce durus bi'iznillah ta'ala en guise de nos pour la umma et de bayan pour les juhal, et on l'espère une cause de guider pour ceux des gens du livre ou autres que les gens du livre qui voudraient être amenés à connaître la vérité et surtout à lutter contre les entêtés parmi eux, al-mu'anidin. Un point que j'avais omis de citer la dernière fois dans la muqaddima, après qu'on ait cité certains adillah prouvant la mécréance claire des gens du livre, quelqu'un pourrait dire dans les versets Allah Azza wa Jal a cité des croyants parmi les gens du livre, on dirait na'am, il s'agissait de ceux qui étaient sur la religion réelle de leur prophète et qui par la suite ont cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà qui sont les croyants, car la foi elle a des piliers, et parmi ces piliers le fait de croire en Allah en premier lieu, de croire en ses messagers, de croire en ses livres, de croire en ses anges, de croire au jour dernier et de croire au destin qui soit bon ou mauvais, comme cela est venu dans le hadith de Jibril rapporté par Omar radiallahu anhu. Donc croire en Allah, cette foi n'est pas parfaite chez eux. Qu'on connaît bien tout ce que cela inclut comme point qu'on a déjà abordé dans d'autres durus, pour ceux qui veulent revenir, les chrétiens et les juifs n'ont pas cela. Ils ont une partie de la Rububiya, et le reste dans l'asma wa sifat, c'est le chaos, et dans l'Ubudiya, c'est pire encore. Croire en ces livres, les juifs se sont arrêtés à Torah, en plus ils l'ont altéré. Les chrétiens, eux, ont pris en plus l'Injil, et l'ont altéré. Et ne croient pas au Coran. Et le Coran est le dernier livre qui contient la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc est-ce qu'ils croient en ces livres? Ils ne croient pas en ces livres. Quand on dit que le musulman croit en tous les livres descendus sur le prophète, qu'ils étaient altérés ou pas, on sait que ce livre-là, à la base, était descendu, révélé, et d'autres que Allah n'a pas nommé dans son livre, dans le Coran. De croire en ses messagers. Les juifs se sont arrêtés à Moussa, alayhi salam, et ne croient pas en Isa, alayhi salam. Les chrétiens, eux, croient en Moussa et croient en Isa, alayhi salam. Et de quelle façon ils y croient? Pas en tant que prophète ou messager, mais en tant que fils d'Allah, et Satan en étant Allah lui-même. Donc, s'ils croient en lui, ils ne croient pas en lui. Car Isa a bien mis en garde contre cela, et ses désavoués de cela n'a jamais appelé à cela. Donc, ils ne croient pas en lui. C'est-à-dire, dans leur bouche, ils vont te dire, moi je crois en Jésus, comme ils le disent, ils le reconnaissent qu'il est venu, mais son message, ils l'ont altéré à 100%. Si ce n'est quelque chose, il y a ni quelques sagesses, ou quelques, il y a ni traces qui restent, mais en réalité, le fond de son message, ils l'ont complètement détruit. Tandis que les musulmans croient en tous les messagers. Et croient en leur message réel tel qu'ils étaient. Dans la Bible, tu vas trouver des diffamations, déjà en l'égard d'Allah en premier lieu, comme cela va venir, et à l'égard des messagers. Des insultes, des offenses envers les messagers. Des accusations qui sont énormes, d'adultère, d'alcoolisme, de mensonges. Alors que les prophètes sont... Il y a unanimité que les prophètes sont infaillibles face aux grands péchés. Les prophètes sont infaillibles quand on fait de tomber dans les grands péchés. Voilà le Musta'an. Donc les versets citant les gens du livre comme étant des croyants, beaucoup de versets sont descendus par rapport déjà à Najashi, qu'on appelle le Négus. Vous connaissez qui a accueilli les premiers Muhajiroun en Habasha, ce qui est l'Éthiopie actuelle. Il était un chrétien, et lorsque le message lui est parvenu, il l'a cru tout de suite. Kama dit fi hadith, Thalath lahum ajran, qu'il y a trois sortes de personnes qui auront deux récompenses. Et parmi eux, il a dit Rajul min Ahl al-Kitab amana bi rasulihi wa amana bi Muhammad. Ils auront deux récompenses. Celui qui était parmi les gens du livre, sincère, qui a cru en son prophète qui lui était envoyé, et qui a cru également par la suite en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la croyance telle qu'elle est, pas une croyance superficielle et en surface, une vraie croyance avec un suivi. Ceux de là auront deux récompenses. Donc Allah ne nie pas le fait que les gens du livre ont une révélation réelle auparavant. Ils ont cru. Mais les vrais sincères suivent, ne s'arrêtent pas en cours. Celui qui est sincère, qui a cru en Moussa, doit croire en Isa. Et celui qui est sincère, qui a cru en Moussa, en Isa, doit croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bimbeb aoula. À plus forte raison. Et ils n'ont pas fait. Ce qui prouve qu'ils n'ont ni cru, ni en Isa, ni en Moussa. Donc ces gens-là ne sont pas concernés par les versets où Allah azzawajal fait leur éloge et les considère comme étant des croyants. Mais si demain tu appelles un chrétien ou un juif et il se convertit à l'islam, ça prouve qu'il était sincère dans ce qu'il était auparavant, bi'idhnillah ta'ala, il aura sa récompense de son passé et de sa croyance nouvelle. Quand on dit nouvelle pour lui, elle est nouvelle du fait qu'il apprend des nouvelles choses, mais à la base c'est la même foi. D'accord ? Sans compter que tous ses péchés antérieurs seront effacés. Adafod la'azim. Taïb. Donc là, pour en venir au shahid, Cheikh Abdel Hamid, dans son livre, qui est Zajr, ou Al-Bayen, Lidu'at, Al-Hiwar, ou Takarub, bin Al-Adjian, j'ai fait également des durus de kitab de Cheikh Yahya Al-Hajouri, qui est Kazalik, pour répondre aux ambiguïtés de ceux qui appellent à l'indulgence avec les mécréants, dans lesquels il cite les shubuhat, les ambiguïtés citées pour faire croire que l'islam accepte les gens du livre et les mécréants. Donc, pour ne pas avoir à répéter et à reciter les mêmes choses, celui qui va entendre les ambiguïtés citées par beaucoup d'entre eux, revenir à ce de l'Ouslan, Inch'Allah Ta'ala, il trouvera ce qui lui suffit. Par rapport au verset qui parle des gens du livre, qui sont les croyants, et kaza et kaza. Naam. Donc l'auteur a dit en 7e chapitre, يقول نتيجة القول بوحدة وتقارب واتحاد الأديان وحوارها بصورة التي يريدونها يلزم منها ويترتب عليها إبطال الأبواب العظيمة وأحكام جسيمة وشرائع جليلة قويمة من هذا الدين الحنيف الصحيح. Donc il dit, qu'est-ce qui vient comme résultat justement d'appeler à ce rapprochement des religions et à cette unité entre religions de la façon dont eux l'exposent et qu'ils veulent, cela emmène à annuler et à anéantir des règles importantes dans la religion. Des règles très importantes en religion, que beaucoup ne réalisent même pas. Que ça va bien plus loin que ce qu'on peut penser. Donc, comme il dit, il est ma'loum, connu que notre dîn, c'est l'islam. La seule religion que Allah Azzawajal a agréée et a légiférée et qu'il aime. Cette religion, elle a des règles et des échanges à tenir, basés sur des normes. Et qu'elles n'ont pas à être changées, ni altérées, ni autre que cela, par rapport à des nouvelles idéologies. Donc là, il va citer de ce qu'il a jugé comme étant la plus importante, à savoir que le shir lui-même n'a pas toute la science, donc peut-être même qu'il y a des points qu'il a omis de citer, il en a mis au moins 80. 80. Et Allah alim bi adadiha. La'ala aksar min dhalik. Naam. Lakin 80, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc on va lister au fur et à mesure, bi'idhnillah ta'ala, comme il l'expliquait, en citant certains avec leur dalil, un ou deux, cela suffira, et un ta'liq léger s'il y a besoin. Premier lieu, premier méfait. Qala awalan ilgha haqqullah. Ou ilgha haqqillah. Le premier, c'est de l'annule. Le droit d'Allah, principalement. Azza wa Jal. Wa qala ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Wa qala ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa ishtanibu at-taghut. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et le niveau du taghut. Et le taghut, il a été défini comme étant ce par quoi le serviteur outrepasse les limites en suivant par la chose qu'il suit, par la chose qu'il adore et la chose à laquelle il obéit. Et les leaders du Tarout sont de 5, comme vous le savez. Shaitan, en premier lieu, Iblis. Celui qui juge par autre que la loi d'Allah, Azzawajal. Celui qui est adoré en dehors d'Allah et qui l'agrée, cela. Ou celui qui appelle à sa propre adoration. Ou celui qui prétend connaître des choses liées à l'invisible ou au futur. Même pareil. Donc l'auteur dit que cela va amener à quoi? À agréer que Isa al Salem soit adoré en dehors d'Allah et qu'on lui associe à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Donc celui qui cautionne cet appel, même il appelle et il croit déjà, il mécroit en l'islam. Et cela va amener à quoi ? À ce qu'il tolère que Isa soit adoré. Il va tolérer que Isa soit considéré comme étant le 3, ou plutôt que Allah, le 3ème des 3, ce qu'on appelle la Trinité. Alors que nous, on appelle à l'unicité en islam. Et les versets ont été cités comme Allah Ta'ala. لقد كفر كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا الله واحد que certes on mécrit ceux qui ont dit que Allah est le troisième des trois et qu'il n'y a qu'une seule divinité en réalité digne d'adorer qui est Allah, plutôt qu'il n'y a aucune divinité qui soit digne d'adorer en dehors d'Allah. Donc Allah a bien averti de cela. Ça va cautionner qu'ils agréent le fait de dire que Isa est le fils d'Allah azza wa jalla. وقال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا او في ايه اخرى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا qu'ils disent que Allah s'est procuré un enfant. Et on avait cité également لم يلد ولم يولد, il n'a ni été engendré ni n'a engendré. Et les versets sont très nombreux. Donc premier point, cela va amener à, comme on dit, le droit d'Allah qu'on adore seul, exclusivement, a agréé qu'autre que lui soit adoré. Et qui sera qui ? Isa. Et qui sera le fait qu'on attribue un enfant alors qu'il ne l'a pas agréé pour lui-même. Et il est plus haut que cela. D'accord ? Ce n'est pas parmi ses attributs. Donc si demain, toi, tu dis que le chrétien est un croyant, il te dira, moi, je dis que Jésus est le fils de Dieu. Tu ne pourras pas dire que tu as tort, c'est un mensonge. Quand en disant cela, c'est comme si je lui disais, tu m'écrois. Et tu ne pourras pas lui dire. ثانيا اتعن في الله عز وجل وحكمته وعدله وعلمه وتعن في رسوله صلى الله عليه وسلم. Cela amène à diffamer Allah dans son jugement, dans sa sagesse, dans sa justice, dans son savoir, et cela amène à amener à diffamer le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Car Allah عز وجل a envoyé Mohammed, d'accord, et lui a légiféré le djihad et lui a rendu licite le sang, c'est-à-dire la vie des juifs et des chrétiens, et de prendre leurs biens et de prendre leurs femmes. C'est lorsqu'un combat légiféré a lieu, bien évidemment. D'accord ? Comme encore l'État Allah, « قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُوا دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Dans le sens où Allah dit, et combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier, et qui n'ont pas rendu licite ce qu'Allah a rendu licite, ainsi que son messager, et qui n'accomplissent pas la religion, ou plutôt qui n'appliquent pas la vraie religion, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya, alors qu'ils sont avélis. C'est-à-dire que ceux qui ont reçu le livre sont les juifs et les chrétiens, on doit les combattre. Ou alors ils paient la jizya. Donc en disant que cet homme-là est un croyant et qu'il faut s'approcher de lui, tu ne vas plus le combattre. Alors que Allah Azzawajal a appelé son prophète à agir de la sorte. Et bien évidemment, quand on parle de combat, ça, cela, selon les règles, avec un gouverneur, lors d'un hijjat talab, là, on parle dans la théorie. La pratique actuellement n'est pas faisable. On ne remplit pas les conditions pour le faire. Et je n'appelle pas les gens à aller prendre des armes, à aller tuer les juifs et les chrétiens, sûrement pas. Ça serait une grave erreur, de la sorte. Là, on parle dans le règle général de l'islam. Si les conditions avaient été réunies, on serait une umma unie avec un seul gouverneur et autre que cela. D'accord ? Naam. Donc ça, c'était le deuxième point qu'amène cet appel. Troisièmement, قال هذا القول منهم يؤدي للطعن في كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. Troisièmement, cela amène également à diffamer le Coran, qu'il est par Allah, qu'il a fait descendre sur Mohammed صلى الله عليه وسلم. Car ce livre contient des versets explicites qui appellent à se séparer d'eux, à se distinguer d'eux, à les contredire, à les combattre, à faire preuve d'animosité envers eux, à ne pas les aimer, ni s'allier avec eux. D'accord ? Et que Allah Azzawajal les a blâmés dans son livre, parmi les pires des descriptifs. Quand Allah Ta'ala anhum, ou laïka musharul bariya, qui sont les pires de la création. Les pires de la création. Et qu'ils ont encouru sa colère. qui sont des égarés. Donc, quelqu'un qui vient te dire non, c'est un croyant, c'est comme s'il dirait que ce que Allah dans le Coran a dit sur eux, ils ne le méritent pas. Ça revient à quoi, ça, comme résultat? Tu diffames la parole d'Allah, Azawajal. Tu dis que dans le Coran, ce qui est écrit dedans, les juifs, les chrétiens ne sont pas comme ça, ils ne le méritent pas. Ils ne le méritent pas. Quatrièmement, في هذه الدعوة تعن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من رأسها من أسها فني رأسها. Et cela est également, quatrièmement, une diffamation envers le message de Mohammed صلى الله عليه وسلم du début à sa fin. Car Mohammed صلى الله عليه وسلم, c'est lui qui est venu avec le Coran et qui a mis en garde contre le fait de s'allier aux kuffars et de leur ressembler. قال من تشبه بكم فهو منهم. Celui qui ressemble à un peuple en fera partie. Et Allah Azza wa Jal nous a bien dit de ne pas faire partie d'eux, sans construire des injustes. فمن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. Et que celui qui les prend en allié fait partie d'eux et que Allah ne guide pas le peuple injuste. Donc ce sont des choses à prendre en compte, très importantes. طيب اليوم سنقف هنا إن شاء الله تعالى. À ce côté de ces quatre points-là, je compte en prendre plus, mais les commentaires ont allongé le cours, plus que ce que je l'imaginais. Al-Muhim, on a pris quatre points importants, qui étaient qu'en premier lieu, cela annule le droit d'Allah Azzawajal, qui est qu'on l'adore pleinement, entièrement. En deuxièmement, cela amène à diffamer Allah Azzawajal, ainsi que sa sagesse, ainsi que sa justice, et son savoir. Et cela amène à diffamer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui agit tout à fait de façon tout à fait différente. Troisièmement, cela amène à diffamer le Coran. Et quatrièmement, cela amène à diffamer l'appel pour lequel s'est battu notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, du jour où il a reçu la prophétie jusqu'au jour où il est mort. Toute sa vie était cela, appel au tawhid, appel au tawhid, appel au tawhid. Naam. Fabid al-adakad an-aktafi, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.